Chapitre 5e. Revenons un peu en arrière, seulement de quelques heures. Pendant que Fleur de Sol et Juana se défendaient intrépidement dans le log house, arrivèrent, on s'en souvient, des voitures. D'où venaient-elles? C'est là ce que tout d'abord se demandèrent les desperados intrigués. Oh, sans la moindre inquiétude, car l'aspect de ces voitures n'avait rien d'ailleurs d'inquiétant. Couvertes de bâches imperméables, pesamment chargées, attelées de mules paraissant fatiguées, elles allaient, cahotant dans les sables, et conduites à la diable par deux femmes. D'âge plutôt mûr et de mise négligée, ces femmes sont des indiennes ou des métisses. En somme, de pauvres créatures au visage crasseux, fortement tendues de poussière, la tête couverte d'un mouchoir bariolé noué sous le menton, et vêtues de robes pittoresques enjolivées d'accrocs. Toutes deux fument de petites pipes en terre rouge et lancent, avec la maestria de fumeurs endurcis, de petits jets de salive qui stridulent entre leurs dents. La conductrice de la première voiture, une robuste commère aux gestes compassés, arrête d'un trémolo des lèvres son attelage et crie quelques mots en patois aztèque à sa compagne. Cette dernière est une grande gaillarde maigre, dégingandée avec un soupçon de moustache qui occasionne des plaisanteries faciles parmi les coquins accourus en tumulte. Elle arrête également sa voiture, derrière laquelle marche, attaché par un bout de lasso rompu, un cheval. Si la vue de la femme provoque des quolibets, l'aspect de la bête soulève des rires énormes chez ces hommes passionnés d'équitation et amateurs éclairés de beaux chevaux. Avec ses crins râpés, ses côtes saillantes, son échine écorchée, celui-là évoquerait dans l'esprit d'un Européen le souvenir d'un cheval de roulotte. La pauvre bête, passive, résignée, attend sa provende, pendant que la femme, sans répondre au brocard des gens, tire de la voiture une bouteille clissée de bambou. Elle débouche la bouteille, prend un quart de fer blanc, l'emplit, retire sa pipe et sable gaillardement une copieuse rasade. Elle remet sa pipe au coin de sa bouche et s'écrie en mauvais espagnol, d'une voix de fausset qui semble depuis longtemps huilée par l'alcool. « C'est de la guardiente du premier numéro, du pur mezcal. » Venant en ligne directe des Metals de Jalisco. Notre président, que Dieu garde, n'en a pas de pareil. Ce divin breuvage est digne de cavalieros comme vous. Qui veut du vrai Metal Mezcal de Jalisco? Qui en veut? C'est une once d'or, la botella de deux cuartillos. Bravo, les voyageuses sont des vivandières. Qu'elles soient bienvenues au champ d'or. Justement, les provisions liquides commençaient à manquer. La disette d'alcool, 100 fois plus désastreuse que la disette de farine. Une once d'or, ce n'est pas trop cher. Du reste, Andrés a promis d'enrichir ses fidèles compagnons. Allons, à boire, à nous, par ici, à nous, à nous. Bientôt, les commères ne savent plus auquel entendre. Les botellas, aussitôt remplies à des fûts calés sous les bâches, se vident pour se remplir et se vider encore. On paye comptant et avec la plus scrupuleuse honnêteté, cela se comprend. Si les transactions n'étaient pas loyales, on ne verrait plus arriver sur les mines ces mercantis audacieux qui, à travers 1000 dangers, viennent ravitailler les mineurs toujours assoiffés. On paye en monnaie, on paye en grains et en poudre d'or, on puise à même la ceinture et les pochettes, on fouille dans les petits sacs de toile et on verse le métal dans une battée en étain, une sébille qui sert aux mineurs à laver les sables aurifères. Le commerce est prospère et les deux vivandières font des affaires brillantes. La première guigne avec une convoitise ardente, la battée qui s'emplit, la saisit d'un mouvement brusque, la vide dans un sac pendu à son cou et la replace à portée des buveurs. À ce moment, l'autre, la femme à moustache, profite de l'occasion pour ingurgiter lestement une copieuse rasade. Cela fait rire les desperados qui escomptent le spectacle amusant d'une ivresse prochaine et met la caissière en fureur. Elle glapit d'une voix rageuse. « Hé, Cornera, as-tu fini de boire ainsi ?»« Hera de Mona, fille de Guenon, bracha, sac à vin, tu vas nous ruiner, empêcher ces caballeros de boire à leur soif. Vois plutôt comme ils sont généreux. » Et la Cornera, confuse d'être prise en faute, baisse les yeux pour les relever bientôt, pincer les lèvres comme pour arrêter un sourire, puis échanger avec sa compagne un vif regard d'intelligence. Peu à peu, les caballeros s'allument et boivent de plus belle. Les petits fûts contenant chacune une fanega se vident, et comme la soif augmente en raison de l'alcool absorbé, Les ivrognes ont peur de voir la provision s'épuiser. On crie de tous côtés. Hé, la cantinera! Ton mescal est délicieux, oui, oui. Du vrai lait de tigre. De l'essence de verre pilé. De l'élixir de vitriol. Mais il va bientôt manquer. N'ayez crainte, mes chers seigneurs. J'ai encore une petite réserve de 2 cargas. Cornera, coquine, voleuse, tu bois encore. C'est une honte. Voyez, Caballeros, elle ne tient plus debout. La cornera commence en effet à osciller de façon accentuée. Mais de temps en temps, son regard aigu, si vif, et qui a l'air si jeune dans sa face crasseuse, lui entre ses cils, et dare d'un nouvel éclair de complicité à sa mystérieuse associée. Entre-temps, on donne à manger au cheval, bonne bête passive et résignée, qui broie lentement son maïs et se couche au milieu du tapage après avoir vidé plusieurs bâtées d'eau. Cependant, le soleil s'incline de plus en plus sur l'horizon. À présent, l'ivresse bat son plein. Aux clameurs, aux défis insensés, aux vaillantises de buveurs succède une période de frénésie. Des amis s'injurient, des intimes se provoquent, les couteaux luisent, les revolvers pétaradent. On se tue un peu, on se blesse beaucoup, et chacun a la tête perdue. Bientôt ce sera l'ivresse lourde, l'empoisonnement, qui vont succéder à cette démence et amener ce sommeil de plomb, proche voisin du coma. Il semble du reste que les deux vivandières aient la plus grande hâte de provoquer cet état morbide. Et dans ce but, elles accélèrent la beuverie en multipliant les rasades, sans trop s'occuper si quelque cavalier ou indélicat oublie de solder l'ultime lampée qui va le fusiller. Alors la cornera paye de sa personne. Coup sur coup, elle emplit son boujaron, trinque à la ronde, porte des toasts insensés, amène d'une main vacillante le vase à ses lèvres et très habilement le verse, sous son menton, dans l'échancrure de son corsage. Sa compagne, si parcimonieuse, voit ses escamotages et, loin de crier comme tout à l'heure, semble ravie. Allons, tout va bien. Le bénéfice est copieux, il reste une provision abondante, les buveurs ivres-morts cuvent lourdement leur poison favori, le camp est silencieux. Demain, au réveil, les cavalieros soigneront leur mal aux cheveux en buvant de plus belle. Rassurés par ce calme d'où surgissent des ronflements et des bruits d'humanité repus, les deux femmes échangent à voix basse quelques paroles et la cornera quitte sa voiture. Titubant affreusement, elle s'en va, rasant les cabanes, les tentes et les taudis, arrive au log house où sont enfermés les prisonniers. Elle se laisse tomber lourdement, puis, comme si l'ivresse lui inspirait tout à coup une de ces fantaisies baroques de pochard, elle se met à pousser le glapissement de l'oiseau moqueur. On lui répond de l'intérieur par le cri du coyote. Elle tressaille violemment et reprend sa vocalise. Le hurlement du petit chacal répond de nouveau. La cornera, qui semble ravie, murmure entre ses dents « C'est bon ». Puis elle ramasse une pierre et cogne les 3 coups entendus par Fleur de Sol. Très prudente, elle s'avance en rampant jusqu'à l'entrée dérobée située de l'autre côté du bâtiment. 2 hommes accroupis veillent en fumant et causant à demi-voix. Des gardiens incorruptibles et qui n'ont pas bu. Leurs armes brillent à portée de leurs mains. « Rien à faire, » ronchonne la cornera. « Pourtant, si je savais, allons, de la prudence. » Elle revient à son point de départ, scrute d'un regard aigu les ténèbres, et lentement, sans à-coup, sans faux mouvement, se met à grimper sur la toiture. Malgré la jupe, c'est fait en rien de temps et avec une agilité prodigieuse. Sans perdre un moment, la vivandière tire de dessous son vêtement un instrument de fer, court et robuste, sans doute une petite pince de mineur. Elle opère sans bruit une pesée. Un rondin se soulève avec un craquement imperceptible, et cela fait un trou, pouvant livrer passage à une créature humaine. Elle s'allonge au-dessous de l'ouverture et dit tout bas « Flore, c'est toi ?»« Oui, » répond de même la petite indienne. « La señorita est là. »« Oui, avec son père et sa mère. » En bonne santé? Non, mourant de faim et de soif. Démonio! Il faut de l'eau et un peu de pemmican. Je pars et je reviens dans 5 minutes. En un clin d'œil, sans bruit et avec une agilité de quadrumane, la cornera se laisse glisser, revient en titubant à la voiture, enjambe les caballeros ivres-morts, disparaît un moment et reparaît portant un sac. Elle grimpe de nouveau sur la toiture et appelle Flore. La fillette se hisse debout sur la table et répond « Je suis là. Que faut-il faire? Prends ce sac. Il y a dedans une bottelle, de la poudre de viande, de revolvers chargés. Fais boire d'abord, avec précaution, puis manger le père et la mère. Moi, j'attends là, sans bouger, qu'ils aient repris un peu de force. Va. Fais vite, petite Flore. La petite indienne conserve un sang-froid magnifique. Rien ne l'émeut ni ne l'étonne. À une question de Juana, elle répond « Chut, silence, plus tard on causera. » Elle est déjà par terre, ouvrant le sac, évoluant sans bruit dans les ténèbres, portant aux lèvres des moribonds le précieux liquide renfermant pour eux la vie. Les malheureux, avec quelle avidité ils boivent! La fillette va de l'un à l'autre, aidée par Juana qui soulève leurs têtes inertes. Elle dose la ration avec un tact parfait, résiste avec douceur et fermeté aux supplications, prévoit les accidents et peu à peu, sagement, ramène à la vie Don Blas et sa femme. À présent, un peu de nourriture. Prudemment, elle alterne une gorgée d'eau avec une pincée de viande séchée, puis, d'une voix basse, apitoyée, recommande la modération, conseille l'ingestion lente. Et cela dure près de 2 heures. Pendant ce temps, la cornera reste allongée sans un mouvement sur la toiture. Enfin, Don Blas et Doña Laura vont mieux. Très faibles encore, comprenant vaguement que l'on s'occupe de leur délivrance, ils peuvent se tenir debout. Flore, toujours infatigable, grimpe de nouveau sur la table, s'approche de l'ouverture et dit « Ils vont bien. Peuvent-ils marcher ? Oui, je crois, avec peine, mais ils sont enchaînés. Prends cette barre de fer, arrache le bout de chaîne attaché à la muraille. À présent, je vais ouvrir la porte. Si vous entendez des cris, des bruits de lutte, ne bougez pas. C'est compris. » Aussitôt, la vivandière remet en place le rondin, descend avec précaution du toit et reprend son allure titubante. Elle contourne le log house où veillent toujours les deux gardiens. Ces derniers, la voyant venir en zigzaguant outrageusement, lui décochent une plaisanterie fortement épicée. Elle rit d'un rire idiot coupé d'un hoquet et répond d'une voix pâteuse « Vous, vous êtes des... oui, des ivrognes. Vous ne tenez plus sur vos jambes. Vous allez tout de travers. Vous culbutez, cavalieros. Et vous allez tomber. Donnez-moi une cigarette. » Voulant s'approcher d'eux, elle décrit un demi-cercle, se cramponne à vide, cherche la verticale et vient lourdement s'échouer entre deux. Alors se passe quelque chose de terrible. Avec une rapidité foudroyante, cette loque humaine se redresse. La hideuse créature qui oscillait comme un pantin dont les ficelles eussent été rompues se raffermit et se tasse, pour ainsi dire, sur elle-même. Par deux fois, son bras se détend comme un ressort, et ce geste, aussi prompt que la pensée, s'accompagne d'un éclair d'acier, l'éclair d'un poignard manié par une main infaillible. Un coup à droite, un coup à gauche. Les deux hommes, frappés en plein cœur, s'abattent foudroyés, sans un cri, sans un râle. « Bueno !» murmure la formidable Virago. Elle remet le poignard à sa ceinture, tâtonne la paroi du log house, cherche le gros verrou, le trouve, le fait glisser, pousse la porte et pénètre dans le bâtiment. « Flore, es-tu prête ? » dit-elle à voix basse. « Le seigneur et la seigneura peuvent-ils marcher ? » « Oui, les chaînes sont enroulées autour d'eux pour éviter le bruit. » « Ça va bien, sortez tout doucement, suivez-moi. » Juana passe la première, soutenant sa mère, puis Flore, sur laquelle s'appuie Don Blas. Stupéfaits et ravis, n'en pouvant croire leurs yeux, les malheureux s'avancent aux éclairs des étoiles, contournent leur prison et s'en vont lentement, guidés par la mystérieuse bienfaitrice. Pas un mot n'est échangé. Quelques formes noires jonchent le sol. Des buveurs qui dorment à poings fermés. On les évite prudemment. La masse des voitures apparaît. « Enfin nous y sommes !» murmure la cornera. Bien doucement, et avec d'infinies précautions, elle fait monter sous la voûte de la bâche d'abord Doña Laura, puis Juana, puis enfin Don Blas. Flore reste la dernière pour recevoir les instructions. Elles sont brèves. Se blottir, ne pas bouger quoi qu'il arrive, et attendre patiemment le départ. Toutes ces différentes manœuvres ont duré longtemps. La nuit est presque écoulée. Bientôt le jour va venir. » Cependant, la cornera semble s'impatienter. Assise à l'arrière et en dehors de la voiture, près du cheval qu'elle caresse distraitement, elle murmure « Il ne donne pas le signal. Que diable peut-il bien être arrivé ?» Peu à peu, les étoiles tournent, l'horizon pâlit. Quelques buveurs s'éveillent avec des grognements de mauvaise humeur. On bâille, on s'étire, on a soif. Il en est qui viennent frôler les voitures, avec ces gestes désappointés des ivrognes professionnels qui, cherchant à tuer le verre, trouvent le débit fermé. Des murmures s'élèvent autour du premier chariot où sont réfugiés, anxieux, les quatre fugitifs. Quelques desperados plus altérés que les autres parlent déjà de l'escalader et de se servir eux-mêmes. La cornera quitte son poste à l'arrière, grimpe sur le devant et se met à parlementer. Les injures plus que réalistes commencent à s'échanger. Le tapage grandit, le camp s'éveille de proche en proche. Il fait bientôt jour et la situation se complique terriblement. « Il n'y a plus de mescal ici, » grogne la cornera. « Cherchez dans l'autre voiture. Nous partons dans un moment pour nous ravitailler. » Aidée de sa compagne, la vivandière attelle vivement les mules qui s'ébrouent et se cabrent. Pendant ce temps, on commence à piller les fûts calés sous la seconde bâche, la réserve. On se presse, on se bat un peu. Sans plus s'occuper de ce tumulte, les deux femmes ont pris place dans la première voiture. La patronne saisit les rênes, les rassemble, excite les mules d'un claquement de langue et veut les mettre en route. Mais ce brusque départ, que rien ne semble motiver, a l'air au moins suspect. On entoure l'attelage, des pattes griffues s'allongent, des corps déjà oscillants s'interposent. Les deux commères échangent quelques mots rapides, et d'un bond, la cornera saute à terre. Vli, blanc, elle envoie de droite et de gauche deux maîtresses gifles qui claquent comme des coups de fouet. Deux caballeros s'atteint en pleine face, culbutent et s'étalent. Puis aussitôt, deux coups de poing succèdent aux gifles. Les poitrailles résonnent, les gens dégringolent. La cornera se dégage. Ma parole, elle lève la jambe et détache de formidables coups de pied, qu'elle duronne. Sa robe agrippée de tous côtés part en lambeaux, et le premier buveur giflé, dont la joue fluxionnée devient toute bleue, s'écrie abasourdi « Que le diable fusille mon âme, c'est un homme !» Eh oui, sous le haillon apparaissent les bottes, la culotte grise de fer et la ceinture rouge d'un cow-boy, et la paire de revolvers montée en argent, et le couteau indien. Un fier homme dont la voix éclate vibrante. « Place, coquin, place, mille tonnerres ou je vous extermine !» D'un coup sec, il rompt comme une ficelle le bout de lasso qui attache à l'arrière de la voiture le cheval. D'un bond, il s'élance sans bride ni selle sur le dos de l'animal. De tous côtés, on l'entoure de nouveau, et les gens de plus en plus stupéfaits crient « Un homme, c'est un homme !»« Eh oui, par Dieu !» rugit la fausse cornera. « Et qui s'appelle Joey Mousqueton. « En avant, Mamita, en avant, hardi, Mamita, hardi !» Ainsi, l'autre vivandière, c'est l'intrépide métisse. Elle enveloppe d'un vigoureux coup de fouet les mules et rend la main. Les quatre bêtes partent comme un trait pendant que les roues cahotent sur deux caballeros qui les calaient imprudemment. En même temps, Joey fait entendre le crissement du serpent fer de lance. Le cheval, c'est Bob, l'admirable coursier de Jean de Fer, qui connaît Joey Mousqueton, l'aime et lui obéit comme à son maître. Bob épilé, maquillé, avec des simulacres d'écorchure et qui transformait en rosse, a été prêté pour la circonstance à Joël. Il entend le signal familier, se redresse et pousse son hennissement de fureur, son cri de guerre. Et soudain, il se met à ruer du devant et du derrière. Un véritable ouragan, ponctué de coups sourds, qui fracasse les membres, défonce les torses et démolisse en grand les caballeros épouvantés. Avec cela, il mord de toutes ses dents. Il scalpe les crânes, dépouille les faces, produit des blessures atroces. Merveilleusement dressé, obéissant à la moindre pression des jambes, il s'élance devant la voiture, la dégage et lui trace une voie sanglante. Adroitement guidé par Mamita, l'attelage galope à fond de train et commence à gagner au large. Malheureusement, les desperados, revenus de leur stupeur, se ressaisissent bientôt. Ces bandits sont nombreux et intrépides. Ils ont à cœur de prendre une revanche éclatante. Au même instant arrive Andrés. Il vient de trouver les deux gardiens égorgés, la porte ouverte, les prisonniers évadés. Il pousse un hurlement de rage et crie à tue-tête « À cheval, mille tonnerres, à cheval ! Il me faut ces gens morts-vifs !» 500 onces d'or à ceux qui la rattraperont !» En un tour de main, les chevaux disponibles sont scellés et bridés. Les hommes les plus valides leur sautent sur le dos et prennent la chasse. « Allons, au plus tôt près !» commande Andrés qui se met à leur tête. Ils prennent un galop furieux, au moment où apparaît un peloton arrivant comme une trombe, une douzaine de cavaliers qui envahissent le champ d'or en brandissant leurs armes et en poussant des clameurs farouches. En tête, file comme le vent Harry Jones, debout sur ses étriers, et Jean de Fer qui talonne le cheval pie dont il fait déjà un digne émule de Bob.